veux hit ni qui pète le nez. Proto dans la merde, crois-moi, ça fait longtemps qu'on y est. Posté dans les gens, tu penses qu'à une chose c'est de nier. J'suis plié, désolé, j'suis guillé. Ils ont oublié qu'on avait trop faim de billets. Regarde mes yeux et ils en disent long. Ils te rappellent la fumée d'hier. Ramène un body slow, j'ai le pétard qui part en cuillère. Parlez-vous, me faites la plus babale. J'arrive en rap comme une balle, ça chauffe le couteau, ça découpe et ça emballe. Et on va les petites fondances avec des pistolets à billes. J'me lève en fin d'après-midi, la tête dans le cul, ouais, faut que j'm'habille. J'vois les petits zonés en stunt, les grands zonés en Clio. Capuche sur la tête devant le métro, ça rabat les clients. Et qui en me laisse tous la plie en deux. J'suis dérangé, sachant que j'piaffe. Et ramène qui tu veux, hit me qui te pète le nez. Sans toi, on en sait moins, mes frères, c'est peut-être le mieux. Toi et tout ta clic-clic, vas-y, brasse un peu, on arrive après, ça fait clic-clic. J'suis dans mon tel, c'est pas mon histoire, mais j'me mêle. Tu veux me tester tout ta gramme, j'dégrade et j'me la ramène. Chez moi, ça parle de braco, chez moi, ça parle de mago. J'veux le ballon, un peu comme le bras d'aco. Les sentiments nous font rêver, mais les rêves nous embobinent. On chute, faut se relever, tout comme un film qu'on rembobine. Aveuglé par la beauté, affaibli par la bonté. Reste que les choses à raconter, les images sur la bobine. Donne de l'amour juste à ta mère, la seule qui le mérite. On se croit tellement parfait qu'on pense que personne ne mérite. On se fait du mal pour sentir bien. T'as le bien, c'est loin du mal. T'as le mal, c'est loin du bien. Mais bon, t'as le mal, si sent-il bien. Les premières choses comme elles viennent, parfois il est mieux de ne rien savoir. On veut ce que la tête détient, parfois il est mieux de ne rien avoir. Curel au quotidien, l'amour ne cesse de briser des cœurs. On se promet du rêve pour sentir bien jusqu'au jour où l'amour nous écœure. Y'a des bons et des mauvais partout. Chez l'homme comme chez la femme, y'a des ennuis, des jours comme de nuit. C'est bon, pas de nuit, tu trouveras ta femme. Trop de mensonges, éteins ta flamme. Arrête de cracher le chaudron. Très peu d'amour sur le goudron. Nous croirons ceux qui le voudront. Mais je m'évade, pas de fête en émoussade. Prise de tête pour des monsalages. Même que la terre guette au sale. Visage pâle, on crève la dalle. Quand on se couche, le jour se lève. On tourne en rond, les jours sont les mêmes. On rêve de vivre toujours ce rêve. Les fragiles en porcelaine. Après la guerre, les portes s'amènent. Faut faire les choses, mais pour soi-même. Assume peu importe où ça mène. Ça ne concerne pas, mais on s'amène. Ça coupe des grosses lamelles. Pas peur de manger la gamelle. Donc quand on se pente, ces grosses gamelles. Bon, c'est pas ces grosses gamelles. Pétard et on décompresse. À force de saigner à vie, on finirait avec des compresses. Donc décompresse, y'a plus personne. Alors j'joue pas pire, c'est toute l'équipe. Car mes musiques n'est rien sans moi. Mais j'suis rien sans Zou et toute l'équipe. On vit dans le sport, chacun sa vie, son devoir. Bien voir les changes, comme le temps. On donne à l'amour sans en recevoir. L'amour te ferme les yeux, mais les yeux fermés, c'est dur de voir. J'ai trop donné qu'on en va te voir. Donc reste vrai, t'es les mêmes devoirs. Pas là pour décevoir, j'dois concevoir dans la qualité. Mais ce qui compte, c'est pas la durée. Dans le RAP, c'est la qualité. Je passe à pour le biais, j'me dis de rester vrai pour les vrais, vrais pour les faux, faux pour les vrais, vrais pour de faux, faux pour de vrais. J'sais plus sur qui compter, des secondes sont comptées. Trop perdre l'envie de bien gros M, se la raconter. La portée dure à monter. Les personnes qui t'arrosent, regarde la douleur de mon daron. On veut être des barons, être pire comme le daron. T'as les proches, j'ai pas un rond, donc ça trafique dans le marron. Quoi qu'on fasse, c'est ce qu'on fait, ce qu'on soit. La vie passe à grande vitesse, on veut pas tout ce qu'on conçoit. Crois-moi, compte sur personne, c'est chacun pour soi. Et Dieu pour tous, il te donne un coup de pouce. Mais c'est pas lui qui tient le cabousse. Pousse-toi, ça éclabousse, on règle pas tout avec la bouche. Beaucoup ont les mains sales, mais on lave pas tout avec la douche. Combien sont sur le terrain, et je le long de la touche. Mais quand c'est les cartouches qui parlent, beaucoup font dans leur couche. Combien se couchent à plat ventre, combien s'éventre. Pour une somme merdique, à part mon rap, je n'ai rien à vendre. On est tellement à monter haut qu'on peut plus redescendre. On esquive la montée haut de janvier à décembre. On se contente peu, du mortel, y'en a pas un. Crois-moi qu'il y en a très peu, gardez mes poches. Combien te couvre quand il pleut. Crois-moi, y'en a pas un. Y'en a très peu, rien très peu. Même un très creux en vaut pas un. Ça gratte de tout, absorbe tout. Comme un sopalin. Ça laisse les potes, ça laisse tout tomber. Pour un gros câlin. Faut pas mal d'ambition, mais pas plus que ce qu'il te fallait. Crois-moi que tu perds à l'addition. Même si elle est salée, on s'alimente de ce qu'on a. On parle que de ce qu'on connaît. Sauf au commissariat, on n'avoue pas tout ce qu'on commet. Crois-moi que le manque d'argent te pousse à vouloir le sommet. Que l'argent appelle l'argent, faut juste savoir où le semer. Mais le chemin est parsemé, d'embûches 7 jours par semaine. On sait pas où l'arsemer, mais on sait où la gloire te mène directement. Vaut mieux dire les choses ouvertement. Crois-moi que faut donner pour recevoir et inversement, gros. C'est comme il casse, poton. Joule. 1-3-5. Ariane. 1-3. Noisette. Aro. Zako. Fihatar Zako. Les Marseille. Oh du du du. Oh vas-y fais écouter. Ah, Dieu. Diable le 17, j'ai ridicule, on pourrait t'attacher en bas de l'immeuble. Nique ton équipe, je l'évoque. Je trouve la haine comme un nul coque. Dors jamais avec ton arme, t'es pas gros, t'en nous mets sa poque. Pour moi, c'est l'époque des packs, de la twingo, pas du pack M. L'époque où tu sais comics se mettent à rapper comme Black M. Tu m'aimes pas, je t'aime pas, tu t'aimes pas, j'aime pas. Je sais que tu m'as carotte, arrête de me faire tes airs de sympa. Je t'ai débuté, mais débuté, débuté. Je reste deux de bois avec un peu de buzz, j'ai un peu de bide. Mais t'inquiète, ça se deve, deve. Pourquoi tu tchatches, tu n'es qu'un paille. Ton meilleur film, c'est American Pie. Je suis là pour un bail, je veux la médaille. Demande à One Dead pour les McDie. Mon son tourne comme Philippine. Que les gens kiffent comme Billie Jean. Coca Pelé, vas-y, Jean. Tu déjà chaud, les mêmes à midi. Plutôt Dolce, pas Gucci. Et au quartier, faut les abrutis. Sneak entre eux, puis se fréquente. Dis-moi à quoi ça aboutit. Ne fouille pas, change de focus. C'est le bon, si tu pas, t'es qu'un focus. Te casse, t'occupe. Si je suis là à la coupe, je te laisserai pas qu'un cul. Je t'ai pas dit, t'es qu'aucune. Pour qu'à dit t'as les vues cocu. Ton pote est rentré, veut que tu t'occupes. Et toi, tu fais rien, tu penses qu'au cul. T'es là, t'es là qu'au clip, tu refais les loin, t'es que la copie. En ce moment j'ai les dents sur le loup, donc surveille ta copine. Je la prends, je le place dans la colline, sur du fil colline. Tu pétard votre carré, plus le mal bon, Philippe Maurice. Il fait le youf, c'est un bis à pape. C'est trop le mec, il est mis à part. Car la roue finit par tourner, les crèves et les jaloux finissent sa patte. Biggie Fish, Justinette, tu le Mercedes, t'as la trottinette. Moi, j'rappe pour ce qui m'aime, le reste, les coupes, flore en pinel. Tu mets, cherche la kickette, faut que ça kick. Je vois l'autre kickette, quand il y a les flics, et quand tu finis seul, il y a des gars qui t'aident. C'est normal qu'il y a des gars qui t'aiment. Tu fais trop le genre le mec qui ken. Stéréo, moi je suis ken. Fight, fight, fight, how you ken. Et moi je m'habille à la one again. Y'a que pour les boîtes que je me les hogan. Tu fais la fille, moi je fais rien, t'inquiète, on sait tous que t'es une femme open. Dieu. Ok. Chez nous on s'entraide, voilà, je me passe en 307. Crois-moi, j'en ai vu, vous traînez à plein. Moi je préfère rester à 303. Ça sent le pétard plein de cartes. Mandat cadère, le vol, on te les cartes. Au pire des cas, on te les cartes. Écoute, cri, cliquer, les coups de C4. Pour ceux qui vivent illégalement, ce qui reste toujours fort mentalement. Ce qui prennent mon rap comme calmant. Ça prend le permis, ça vole caïman. Pour toi, faut que je fasse la caïman. Je t'aime bien, ne fais pas le racaille, non. Je suis mitraillette vocalement. Je le tourne la mise sur la Thaïlande. Je te fais couler comme le père à la porte. J'ai ta famille ou ta père à la bord. Sur le terrain, faut que j'ai la bord. Prêt à faire la guerre hardcore. Deux sur le pétard. Sur le TK, il se fait tard. C'est le week-end, pas de fêtard. J'entends Awin, c'est le top des arts. Tu traînes plus la tchakité. T'es potos pour une autre cité. T'étonnes pas de nous voir excités. Si dans mes songes, je peux vous citer. Gros ciseaux, j'arrive comme Zizou. Tin Vol, fais pas de bisous. Demande à Sozette, c'est le Zou. De mon village à Tizi Ouzou. Devant les chemises, toujours bouche cousue. Un jour ou l'autre, on aurait tous eu. Plein de problèmes, on aurait tous eu. Les civils à la porte, on disait tous. Pas de coq, sont plutôt chic. Les figues maintenant, sont plutôt chic. Plutôt fric, elles font les max. Font traîner, sont plutôt flics. Accélère, et les TDM, ils vont trop vite. Enclenche la poursuite. Tiens bon, peut les baiser pour la coursive. Cours si t'as mal. Pense à moi, si tu te fais la mal. Va voir ma mère si je suis en garde avec console. Si elle va mal. Pour me rapper, c'est banal. Comme au quartier de voir les banales. De voir les potos se mettre des bananes. Du 1-3-5 jusqu'à Paname. Choquant comme le Sochala. Je compte percer, il me dit chala. Je suis le Marseillais, c'est déjà la pointe. Attends un peu que je croise Chana. Les PDH se font chaler. Tu les attrapes, ils vont chaler. Tu viens de pas mettre quand t'as calé. Tu font les lèches quand sur du palais. J'en ai marre de tout, je peux plus te voir, j'en ai marre de toi. Pour de bon, j'ai pas n'importe quoi. Moi j'aime ma vie parce que je sors de toi. Et quand je sors de boîte, je suis raptus. Bagarre, ça fond les fractus. Quand y'a trop de monde, faut s'échapper. Même si t'es coincé comme Ratus, fais pas les MC, moi c'est moi si. Dis-moi si mon gars, tu puisses. Je connaissais cette fille, je la voyais clean. Maintenant c'est une star du cul. Les heures passées, on t'y casse, c'est la crise. J'espère mon temps, c'est nul. Faut que ça soit connu comme Biggie Small. Mais ils sont à fond dans ta cellule. Faut un gros, fais des pompes. Vends ton shit, fais tes comptes. On fume le et décolle. Reste tranquille avec tes comptes. Ça sent le loup dans les environs. Rafale et tous, ils s'en iront. C'est la génération de Niro. Comme dit Saya, c'est Robin Siro. Ça fait les pilotes, ton siroco. Baisse des petites, ça fait les rocos. Je rappe, je fais jamais trop beau. Je suis sérieux, écoute mes propos. Tu fais la star, crois que t'es trop beau. En un autre, sur un croco. Tu veux tout le temps manger sur les autres. Mes potos, tu fais des gros crocs. Tu veux la guerre, je suis ok. 11h du mat, calé au coquet. Tu fais le mec plein, tu fais que troquer. Tu fais le mec sain, tu fais que droguer. Laisse croquer des fatigués. Suffit pas de parler, faut le pratiquer. Je vais à la lime, garde mon ticket. Ticket bank, faut anticiper. Antifouille municipal. Je t'ai dit un mot, t'es de municipal. Je suis la mitraillette musicale. Pousse ton pote, tu vois qui cale. Pour moi, tu viens salaud. Je t'ai fait manger, tu fais confiance à l'autre. Tu vois pas une balle, tu vois une calotte. Tu peux me faire une crasse de mon